On a trouvé au petit matin dans le caniveau un crâne rasé, assassiné par des maghrébins, poignardé et la tête éclatée. Un autre crâne rasé est mort. Un rebelle blanc a eu tort. Bien haut, son amour de sa race et de sa terre. C'est à coups de couteau dans le dos, une nuit qu'il a fini ventre à terre. Un autre crâne rasé est mort. Un rebelle blanc a eu tort. Un autre crâne rasé. Dans les journaux, rien que trois ou quatre mots, pas la moindre manifestation, rien qui fera bouger l'opinion. Un autre crâne rasé est mort. Un rebelle blanc a eu tort. Un autre crâne rasé. Il aurait eu l'honneur de la presse, mais son prénom était Jean-Patrick, comme tant d'autres de notre jeunesse. Un autre crâne rasé est mort. Un rebelle blanc a eu tort. Un autre crâne rasé. Maintenant qu'il va tomber dans l'oubli, mais tes amis te rendront justice, martyrs de leur idéologie. Un autre crâne rasé est mort.